Chapitre 39e. Ces dîners de toute intimité, comme les qualifiait le baron Lazarus, se renouvelèrent souvent et insensiblement ils devinrent de plus en plus fréquents. Chaque fois le baron avait d'excellentes raisons pour appuyer son invitation, et chaque fois le colonel, de son côté, n'en avait que de mauvaises pour la refuser. D'ailleurs, dans le vide qui remplissait son existence, ces dîners n'avaient rien pour lui déplaire, bien loin de là. En effet, quand il ne prenait point part à un dîner de gala ou quand il ne donnait point à lui-même, il mangeait le plus souvent à son restaurant ou à son cercle. Et le brouhaha des grandes réunions lui était tout aussi désagréable que le silence de la solitude. Chez le baron, il trouvait ce qu'il ne rencontrait pas ailleurs. Il y a longtemps qu'on a dit que le plaisir de la table est une sensation qui naît de l'heureuse réunion de diverses circonstances, de choses et de personnes. Ces trillions de choses et de personnes se rencontraient à la table du baron, où la chair, préparée par un cuisinier parisien et non allemand, était exquise, et où les convives étaient habilement choisis pour se faire valoir les uns les autres. Il a été un temps où les dîners de ce genre ont été en honneur à Paris. Malheureusement, ils ont peu à peu disparu, à mesure que tout le monde a voulu faire grand, et ils ne sont conservés que dans de trop rares maisons. Celle du baron était de ce nombre, et pour le colonel, c'était une véritable détente, un repos et un charme, que ces dîners intimes. On y causait librement, spirituellement, on y mangeait délicatement, et en même temps que le cerveau s'y rafraîchissait, l'esprit s'y allumait. On en sortait dans un état de bien-être général tout à fait agréable. Il semblait que le baron eût apporté dans le monde les qualités innées qu'ont ses compatriotes pour la profession d'hôte, ou plus justement de maître d'hôtel, profession pour laquelle les Allemands ont incontestablement, comme le savent tous ceux qui ont voyagé, des aptitudes remarquables. À côté des dîners vinrent les soirées, car le colonel ne pouvait dîner chaque semaine rue du Colisée sans faire une visite au baron et à Ida. Bien entendu, pour ces visites, il avait choisi le jour de réception du baron. Mais il n'en était pas de ces réceptions comme des dîners. Elle n'avait aucun caractère d'intimité. S'y montraient tous ceux qui étaient en relation d'amitié ou d'affaires avec le baron Lazarus, des Allemands, beaucoup d'Allemands, presque exclusivement des Allemands. Alors, bien souvent, la conversation prenait une tournure qui gênait le colonel, tant on disait du mal de la France. C'était à croire que tous ces gens qui, pour la plupart, habitaient Paris, étaient des ennemis implacables du pays auquel ils avaient demandé l'hospitalité, le travail et la fortune. On ne parlait que de la corruption de la grande Babylone, de ses ridicules, de son immoralité, de ses vices, de sa pourriture. Pourquoi se serait-on gêné devant le colonel Chamberlain? N'était-il pas citoyen des États-Unis? Mais ce citoyen des États-Unis se laisse aller un jour à répliquer à ses litanies « Si la France est le pays d'abomination que vous prétendez, pourquoi y venez-vous, ou plutôt pourquoi y restez-vous ? » On se mit à rire de ce rire bruyant et formidable qui n'appartient qu'à la race germanique. Alors le correspondant d'un journal de Berlin, qui ne manquait jamais d'annoncer dans ses revues du monde parisien que Mademoiselle Ida Lazarus avait été la reine de la soirée, prit la parole. « Personne ne conteste les qualités de la France, dit-il avec un flegme imperturbable, et tous, nous reconnaissons qu'elle est le premier pays du monde pour les couturières, pour les coiffeurs, pour les cuisiniers, pour les modistes, pour les jolies petites dames, pas bigole du tout. » Les rires recommencèrent de plus belle. « Et les soldats ? » dit le colonel agacé. Les rires s'arrêtèrent, mais on se regarda avec des sourires discrets. Le baron, qui n'avait rien dit, voyant le colonel piquer, leva la main, et tout le monde garda le silence. « Cela, dit-il, c'est une plaisanterie. Soyez sûr que nous rendons justice aux Français, et il serait à souhaiter que les Français fussent aussi équitables pour nous que nous le sommes pour eux. Nous les traitons en frères, et eux nous regardent comme des ennemis, qu'ils dévoreront un jour ou l'autre. Quand nous nous plaignons de la France, c'est que nous avons peur d'elle. » Mais, ne s'en tenant pas à ces paroles d'apaisement, il voulut prendre ses précautions pour l'avenir et ne pas exposer le colonel à entendre les propos qui pouvaient le fâcher. Quand celui-ci se leva pour se retirer, il l'accompagna. « Pourquoi donc venez-vous nous voir le mardi ? » dit-il. « C'est mon jour de réception et vous vous rencontrez avec une société mélangée que mes affaires m'obligent à recevoir. Le jeudi et le samedi, au contraire, je reste en tête-à-tête avec ma fille. C'est la soirée de la famille. Quand vous serez libre, et que vous voudrez bien nous faire l'amitié d'une visite, venez un de ces jours-là. Nous serons tout à fait entre nous. Il y a des heures où il me semble qu'on doit avoir besoin de calme sans solitude. » Ah, certes, oui. Le colonel avait des heures. Il sonnait souvent pour lui, où il éprouvait ce besoin de calme dont parlait le baron. Abandonnant le mardi, il va donc rue du Colisée le jeudi ou le samedi, quelquefois même le jeudi et le samedi. Peu à peu, il s'était pris d'amitié pour Ida. Il avait pour elle les attentions et les prévenances qu'un grand frère a pour une sœur plus jeune. Il se livrait d'autant plus librement à ce sentiment qu'il était bien certain que ce n'était et que ce ne pouvait être qu'une amitié fraternelle. De l'amour, un amour sincère et profond, allons donc. Son cœur était bien mort. Rien ni personne ne le ressusciterait. De cela, il avait une certitude basée sur l'expérience. Mort pour le présent et l'avenir, aussi bien que pour le passé. Plusieurs fois, la femme qu'il avait passionnément aimée, Madame de Lucilière, sa chère marquise, sa chère Henriette, avait paru vouloir rappeler ce passé à la vie. Mais il avait fermé les yeux et les oreilles aux avances franches et précises qu'elle lui avait faites. Elle avait insisté. Dans une maison où ils se rencontraient, elle était venue à lui, la main tendue. Il s'était incliné, et sans prendre cette main, il avait reculé. Un autre soir, elle avait manœuvré de manière à le trouver seul dans un boudoir et vivement, en quelques mots. Elle lui avait dit qu'elle avait à lui parler, aussi poliment que possible, mais avec une froideur glaciale, sans émotion et sans trouble. Il avait répondu qu'il n'avait rien à entendre d'elle, et il s'était retiré, dégageant avec fermeté son bras qu'elle avait pris. Non, il n'aimerait plus, et il n'y avait pas à craindre que le sentiment amical qu'il éprouvait pour Ida se changeât jamais en une tendresse passionnée. Il pouvait la voir, souvent, chaque jour, en toute sécurité. Il était de ceux qui croient qu'on peut être l'ami d'une femme ou d'une jeune fille sans que l'amour se mêle jamais à cette amitié. En sa jeunesse, dans son pays, il avait eu ainsi des amis dont il n'avait jamais été que l'ami. Et il était parfaitement assuré de n'être que cela pour Ida. Quand il se rappelait les paroles de Madame de Lucilière et ses avertissements à propos des projets du baron, il haussait doucement les épaules. En quoi ces projets s'étaient-ils jamais affirmés? Pendant un moment, il avait pu se tenir en défiance, mais maintenant. Ces avertissements étaient tout simplement la manifestation d'une jalousie qui ne voulait pas se montrer franchement. « Moi, jalouse, disait Henriette, je n'ai jamais ressenti ni compris la jalousie. En cela, comme en bien d'autres choses, elle avait plus d'habileté que de sincérité. » Les semaines, les mois s'écoulèrent, et l'on gagna l'été sans que les dîners ni les soirées s'interrompissent. Un soir de juillet, qu'il se rendait à pied rue du Colisée pour faire sa visite du samedi, marchant doucement, il croisa, en arrivant devant la porte du baron Lazarus, son ami Gaston de Pompéran, et naturellement, tous deux s'arrêtèrent en même temps pour se serrer la main. Après quelques mots insignifiants, Gaston se mit à sourire en montrant du doigt les arbres du jardin du baron. « Vous allez là ? » dit-il. « Oui, je vais faire une visite au baron. Et à sa fille, et à sa fille. Alors c'est vrai. Qui est vrai ? Voyons, mon cher Édouard, ne faisons pas de diplomatie. Il y a longtemps que j'ai envie de vous adresser une question. L'occasion se présente de la faire, j'en profite. Le permettez-vous ? Je ne comprends pas. Qu'ayant une question à m'adresser, vous ayez attendu pour cela une occasion, comme vous dites. Mon cher Édouard, vous auriez parfaitement raison de me faire ces reproches si ma question était correcte. Mais elle ne l'est pas. À vrai dire même, elle est indiscrète. Alors ne la faites pas. Je le voudrais. Mais d'un autre côté, je voudrais aussi savoir ce que j'ai envie d'apprendre. Alors faites-la, dit le colonel en riant. Il en est des lèvres comme des portes. Il faut qu'elles soient ouvertes ou fermées. Que décidez-vous? Ouvrez-vous les vôtres ou bien les fermez-vous? Je les ouvre. Et moi, je vous écoute. Est-il vrai? Je reprends ma question où je l'ai interrompue. Est-il vrai que vous épousez Mademoiselle Lazarus? À ce nom, le colonel fit deux pas en arrière et frappa le pavé du pied. Vous voyez bien, mon cher Édouard, que ma question était indiscrète et que j'avais raison d'hésiter à vous l'adresser. C'est qu'aussi ces questions à propos de mariage sont vraiment irritantes. Certes, je ne dis pas cela pour vous, mon cher Gaston. Et si quelqu'un a le droit de m'interroger à ce sujet, c'est vous, vous seul. Que cela soit bien entendu, et ne concluez pas de mon mouvement d'impatience que je suis fâché contre vous. » Disant cela, le colonel tendit la main à Gaston. « Si ce mouvement m'a échappé, dit-il en continuant, c'est que déjà plusieurs fois on est venu me parler de mariage et que ce mot seul m'exaspère. Combien je suis désolé. Et vous ne pouviez pas savoir l'effet que ce mot produit sur moi. Sans doute, mais j'aurais dû, en tout cas, retenir une question qui, je le sentais bien, était indiscrète et inconvenante. Si j'étais amené à vous l'adresser, c'est que de tous côtés, on me l'adresse à moi-même. Vous, qui êtes l'ami du colonel Chamberlain, dites-nous donc s'il est vrai qu'il épouse Mademoiselle Lazarus. » Je répondais que je n'en savais rien. Mais on ne voulait pas me croire. On me harcelait. On se moquait de ma discrétion. Et qui vous adressait cette question? Mais tout le monde, tout Paris. Et qu'ai-je fait à Paris pour qu'il s'occupe de moi, de ma personne, de mes affaires ou de mon mariage? Ne me laissera-t-on pas en paix une bonne fois? Il faut dire, pour excuser cette curiosité qui vous fâche, que jusqu'à un certain point vous l'avez excité par votre assiduité chez le baron. N'ai-je pas le droit d'aller dans une maison sans épouser les jeunes filles qui s'y trouvent? C'est ridicule. Je ne dis pas non. On a remarqué que vous dîniez chaque semaine chez le baron et que, de plus, vous passiez chez lui en sa compagnie et en celle d'Ida une partie de vos soirées. De là à conclure un mariage, il n'y a qu'un pas. Eh bien, on s'est trompé. Il n'a jamais été question de mariage entre Ida et moi. Je n'en ai même jamais eu la pensée. Cela est précis, n'est-ce pas? Assurément, et je vous crois. Mais vous diriez cela à d'autres que vous ne seriez pas cru. Au lieu de s'en rapporter à votre parole, on s'en tiendrait au fait matériel, c'est-à-dire à votre assiduité dans cette maison. Je n'ai pas souci des autres. Je ne m'occupe pas d'eux, qu'ils ne s'occupent pas de moi. C'est tout ce que je leur demande. Encore une fois, vous ne m'en voulez pas de ma sotte question. Pas du tout, cher ami. Alors au revoir. Au revoir. Tout en causant, le colonel avait accompagné Gaston. Il le quitta et revint sur ses pas, marchant rapidement sous le coup de l'exaspération. Car s'il n'était pas fâché contre Gaston, il était contre les autres, dont il disait ne pas prendre souci. Cette question de mariage le poursuivrait donc toujours et sans relâche. Cependant, il fallait reconnaître que dans cette circonstance, il y avait un fait matériel, ainsi que disait Gaston, son assiduité auprès d'Ida. Et les autres n'étaient peut-être pas aussi ridicules dans leurs prévisions qu'ils le prétendaient. Évidemment, cette assiduité avait surpris le monde. On lui avait cherché une explication et l'on avait pu conclure un mariage, sinon arrêté, au moins projeté. À vrai dire, on ne pouvait guère arriver à une autre conclusion. Il était heureux, au moins pour Ida, que ce fût celle-là qu'on eût adoptée une ou une autre. On va vite quand on s'amuse à chercher des explications. Et les imaginations, pas plus que les langues, ne s'arrêtent guère. Raisonnant ainsi, il était arrivé devant la porte du baron. Il s'arrêta un moment avant d'entrer, puis tout à coup, au lieu de franchir cette porte, il continua son chemin. Les paroles de Gaston, qui tout d'abord n'avaient excité que sa colère, méritaient d'être sérieusement examinées. Elles étaient graves, très graves, sinon pour lui, en tout cas pour Ida. En venant chez le baron Lazarus, il n'avait fait que se rendre aux invitations de celui-ci, à ses instances. Sa responsabilité n'était donc pas engagée. D'ailleurs, il n'avait jamais eu la pensée qu'on donnerait à son assiduité dans cette maison d'autre explication que la vraie. C'est-à-dire qu'il venait dans cette maison parce qu'il trouvait plaisir à y venir. Mais en raisonnant ainsi, il partait d'un point qui, étant parfaitement connu par lui, ne l'était pas par le monde. Il savait qu'il n'aimait pas et ne pouvait pas aimer Ida. De cela, il avait une certitude absolue. Mais le monde, qui n'avait pas fait avec lui l'examen de son état moral, n'avait pas et ne pouvait pas avoir cette certitude. Si le plaisir qu'il éprouvait à fréquenter la maison du baron provenait de la réunion de certaines circonstances qui, justement, tenaient à cet état moral, le monde, lui, ne les connaissait pas, ces circonstances. Il ne voyait qu'un fait. Un jeune homme, encore, allant fréquemment dans une maison où se trouvait une jeune fille. Et de ce fait, il tirait une seule conclusion, entre cet homme et cette jeune fille, il y avait un projet de mariage. En réalité, cela n'était ni ridicule ni absurde, bien au contraire. Pourquoi le monde ne croirait-il pas que le colonel Chamberlain prenait pour femme Mademoiselle Lazarus? Il n'y avait en apparence au moins aucune impossibilité à ce mariage. Ida était assez jolie, assez charmante, pour qu'on l'aima et l'épousa. Qui avait eu l'idée de ce mariage? Tout le monde, tout Paris, disait Gaston. Devant cette unanimité, il ne fallait pas se fâcher, au contraire, il fallait réfléchir et raisonner de sang-froid. Pour lui, ses propos étaient ennuyeux, et il pouvait lui attirer des désagréments, comme celui qu'il venait de subir, c'est-à-dire qu'il pouvait l'exposer à répondre à des interrogations du genre de celles de Gaston. Mais cela n'allait pas plus loin. Un moment d'agacement et de mauvaise humeur, voilà tout. Pour le baron et surtout pour Ida, il pouvait avoir des conséquences beaucoup plus graves. Ce n'est pas impunément qu'on parle du mariage d'une jeune fille. Quand ce mariage se fait, ces bavardages ne sont pas bien compromettants. Mais quand il ne se fait pas, ils prennent une importance considérable qui peut avoir une influence désastreuse sur toute la vie de cette jeune fille. Par les propos qui lui étaient revenus plus ou moins directement depuis sa rupture avec Carmelita, le colonel savait mieux que personne tout le mal que pouvaient faire des interprétations malveillantes reposant sur un fait certain. Si Carmelita, après leur rupture, était restée à Paris, elle n'aurait jamais trouvé un mari. Pour tout le monde, elle avait été la maîtresse du colonel Chamberlain, et c'était parce qu'il était fatigué d'elle que celui-ci ne l'avait pas prise pour femme. Voilà ce que le monde avait dit et répété tout haut. Or, comme il n'épouserait pas plus Ida qu'il n'avait épousé Carmelita, il ne fallait pas qu'on fît de l'une ce qu'on avait dit de l'autre. En tout cas, il ne fallait pas que par sa conduite, il donnât fondement à de pareils propos. Déjà, sans en avoir conscience, il n'avait été que trop imprudent. Il aurait dû savoir qu'à Paris, des relations comme celles qui s'étaient établies entre lui et Ida ne passeraient pas inaperçues, et qu'étant remarquées, elles seraient interprétées dans le sens que Gaston venait de lui expliquer. Il avait été par trop américain en allant chez le baron, et celui-ci avait été de son côté par trop allemand en l'attirant. Quand on vit dans un pays, il faut accepter les mœurs de ce pays et se conformer aux règles conventionnelles qu'elles imposent. En France, on ne flirte point, ou bien la réputation d'une jeune fille ne sort point immaculée d'une longue flirtation. Il aurait dû réfléchir à cela, si de leur côté le baron et Ida n'y réfléchissaient pas. Il ne lui convenait pas d'empêcher Ida de se marier. Il ne lui convenait pas davantage de la prendre pour femme parce qu'elle ne pourrait pas trouver d'autre mari que celui qui aurait compromis sa réputation. Précisément, parce qu'il avait de la sympathie et de l'amitié pour elle, il voulait qu'elle fît un heureux mariage. Et précisément aussi, parce qu'il n'avait pas d'amour pour elle, il ne voulait pas être l'homme de ce mariage. Cela lui créait une situation délicate et difficile. Mais si difficile qu'elle fût à dénouer d'une façon satisfaisante pour tous, il ne devait pas la laisser se prolonger plus longtemps, et le mieux était, quant à lui, d'en sortir le plus tôt possible. Pour cela, il n'avait qu'un moyen à sa disposition, une explication franche avec le baron. Et revenant sur ses pas, il franchit la grande porte et sonna la grille de l'hôtel Lazarus, décidé à provoquer cette explication ce soir même.